Salut à tous. Salut. Et c'est un nouveau podcast avec Tu t'es pas Lucas. présenté. Bah attends, ça arrive, ça commence mal. Et Vincent. Voilà. Donc Vincent, c'est lui. Lucas, Voilà. c'est lui. Et Lucas, c'est moi. On est le 30 décembre 2010. Et voilà pour un petit podcast sur l'univers un petit peu de Hachi Pawa. C'est-à-dire une saga MP3 dont je suis le créateur, Vincent le Non, dehors. co-créateur. Non, tu rigoles, j'ai rien co-créé. Bah, vite fait quand même. J'ai juste fait des voix, moi, j'ai rien co-créé. D'ailleurs, Appuie sur la soit ça appuie play. sur ma PlayStation 3, ça le fait pas. Voilà, pardon, Ouais, c'est pas excuse-moi. grave. Et donc, voilà, Donc, donc, Hachipawa Hachipawa, à l'école des otaku. voilà, pourquoi? Parce que ça mélange l'univers des mangas, enfin, du Japon, avec celui de Harry Harry Potter, Potter. vous l'aurez deviné. Alors tout de suite, Alors, pour moi j'ai une expliquer, question. vas-y. Pourquoi Hachipawa? Pourquoi Chippewa? Très bonne question, c'est le gars pas préparé du tout. Bah en fait, Chippewa, ça vient, Hachi, ça veut dire 8 en japonais, si je ne me trompe pas. Et Hachi, donc c'est plusieurs personnages qui existent aussi dans la culture japonaise, dans les mangas. C'est-à-dire Hachi, c'est dans le manga Nana. Que Nana, ça veut dire 7. 7. Voilà, tu te souviens, hein? Ouais, T'en j'avais avais pris parlé. dans la colo. Et Ok. on avait fait une colo sur les mangas, voilà, en tant qu'animateur. Hachi, ça veut, c'est aussi le personnage d'Octo dans la version française de One D'accord. Piece. D'accord, ok. Je savais pas. Donc bon, c'était un peu pris comme ça, Harry, Hachi, je trouvais ça plutôt rigolo. Et Powa, donc Powa, c'est un mot qui est assez utilisé dans le. On va dire l'univers un peu geek otaku, c'est Power, ça vient de Power. D'accord. Et Ok. bon, je Bon, sais plus si c'est d'abord de. Ça vient peut-être du manga Dragon Ball à un moment, dans un des animés, dans un opening, c'est-à-dire au départ, au générique de début, à un moment il y a Yugata Power. Donc tu as d'accord. vu de Bon, bah, Power, enfin je me coucherai bref. moins bête ce soir. Voilà, exactement. Donc tu voulais savoir maintenant tout ça. Tu T'as veux pas demandé chier ta là. réponse. Donc pourquoi utiliser Harry Potter à la version Au tac. otaku? Eh ben c'était parce que je trouvais que déjà on en avait pas mal des parodies sur Harry Potter. Pas forcément bonnes. Bah ça, je sais C'est pas moi, c'est toi qui écoutes pas mal de ouais, parodies, enfin mais j'en connais pas. j'en écoute pas tant que ça, mais j'ai voulu faire à ma sauce. Et donc c'est la sauce C'est la japonaise. sauce Lucas, donc. Bah, je me suis dit en même temps, je connais quoi dans la vie? Qu'est-ce Je que connais j'aime dans Harry la Potter, vie? et qu'est-ce que j'aime, et les mangas. Alors je suis pas un taré des mangas, j'aime beaucoup. Ouais, enfin J'en ai beaucoup. quand Par rapport même, à toi, évidemment, regarde j'en ai là, il bien y a deux posters plus. en face Non, de non, mais nous, trois par rapport à Pika et... beaucoup. Oui, non, c'est Je vrai, suis quand même dans la moyenne, on va ouais. dire. Voilà. Cela dit, à force on va dire de faire des, j'ai fait deux colos sur les mangas, donc j'ai dû éplucher pas mal les revues, les trucs comme ça. À l'époque aussi, il y a quelques années, j'avais fait des, on appelle ça, j'avais présenté le manga en cours, en fait. Ça, Ah oui il y a ouais, des tu m'avais trucs dit ouais, tu m'avais raconté. et des genres de présentation orale, voilà. Petit exposé quoi. Voilà, exposé oral. Et au fur et à mesure, donc j'ai commencé à apprendre pas mal de petites choses. Et à lire aussi, puisque moi je lis plus que je ne regarde. Mais du coup, il y a plein de trucs que je zappe, puisque bon, bah par exemple, dans un épisode, vous entendez parler de Elfenlied. Je connais le nom, mais en fait, je connais rien à l'intérieur, quoi. Alors vous imaginez, moi je connais que dalle. Je dois dire ça. C'est Dumbly, Voilà, je c'est crois, qui Dumb dit ça. Banawa qui dit ça. Donc voilà. Mais alors, d'où ça vient après? Après, c'était C'est une pas Final réflexion. Fantasy ça? Non, Elfenlied, c'est un manga plutôt animé. Ok. Si tu le Sur les elfes, je crois. dis. Je ne connais pas plus. Donc en gros, voilà, c'était essayer de prendre tout un tas de références. Bah, c'était pas ça trop au début. C'était essayer de vraiment de faire juste une parodie comme ça, Harry Potter. Et ça remonte à quand donc à peu près? dans le Eh temps? ben environ juin 2009, voire juin 2009, voire avril, un truc comme ça. C'est les premières idées, ouais, à peu près. Le premier script, tout ça. Et au départ, donc, dans Chipawa, c'était plutôt, je pensais faire donc un épisode, par exemple, sur les mangas garçons en général, un épisode sur les mangas filles, un épisode sur les mangas un petit peu plus bourrin, un petit peu plus science-fiction. Je pensais faire ça comme ça. Et au final, je me suis porté sur, je fais un épisode sur un manga. Et alors, j'ai tout de suite commencé par GTO. Non, pas GTO, pardon, Nicky Larson, donc City Hunter, que je ne connaissais pas tant que ça en fait. Je connaissais parce que j'en avais vu quand j'étais jeune, Nicky Larson, c'est connu, hein, par Tsukasa Ojo. Très Oui, tout bien. à fait. Tu sais qui lui est? Si, Je si. crois. Tsukasa Ojo qui allait à la Japan Expo cette année, que j'ai pu voir, Eu en dessiner. autographe. Ah non. Ah. Mais on l'a vu dessiner un portrait de Nicky Larson. C'était assez fabuleux. Et donc, j'ai commencé par ça. J'ai essayé de trouver. En fait, ça vient du tout départ. Au tout départ, quand Dumbledore, dans le film. Dumbledore, il éteint les lumières. J'ai dit, oh, c'est pas drôle, quoi. Donc, il va les exploser à coups de flingue. Et à coup de flingue, ça m'a tout de suite fait penser à, bah voilà, manga, City Hunter, quoi. Tout de suite. Et c'est pas plus compliqué que ça. J'ai dit, allez, ce sera le premier. Alors qu'au départ, je pensais faire un truc, on va dire, plus. Un truc que je connais, quoi, genre One Piece, ou un truc assez connu. Et en fait, bah non, j'ai voulu. Donc en fait, t'as décidé ça dans ton coin et t'avais pas d'écho de personne avant qui t'avait demandé Personne du spécialement tout. de D'ailleurs, au début, manga. je pensais faire au moins deux épisodes avant de le mettre sur Internet. Mais il s'est trouvé que j'avais besoin de personne. Parce que le premier épisode, c'est entièrement nous deux qui l'avons fait. Donc avec nos voix. Sans aucune aide. Donc sans voix de personne d'autre. Et sans que j'y connaisse enfin, grand-chose à la technique. Je sais, je connaissais à peu près utiliser, parce que moi j'utilise Audacity. Avec quoi on est en train d'enregistrer en ce moment, Ouais. on voit les petites oscillations. Et je connaissais un petit peu, parce que j'en avais fait une fois en cours, un petit peu, vite fait, le montage, etc. Mais pas plus que ça. Alors au fur et à mesure, j'ai essayé d'améliorer un peu la technique. Donc, Bah ça se ressent hein, quand on bah écoute ouais, d'affilée. un peu d'affilée, surtout à partir de l'épisode 3, puisque c'est à partir de l'épisode 3 que j'ai commencé vraiment à utiliser. Tout cet effet de balance à gauche ou à droite, Ouais, ça, suivant les oreilles, on le voit. Bon. que j'aurais pu utiliser avant, sauf que je ne connaissais pas trop, donc j'ai préféré pas trop toucher. Donc au fur et à mesure, j'essaie de m'améliorer, bien que j'ai un micro de merde, c'est ça? Oui, donc je voulais préciser que le micro de Lucas est tout pourri. Je sais pas comment vous J'en ai deux imaginez en le fait, truc mais. chez vous devant votre ordi, mais c'est un truc qui est pas plus gros que la taille d'une clé USB. Qui tient du bout des doigts, entre Voilà, deux doigts, donc exactement. j'aurais pu ramener le mien qui est quand même 100 fois mieux. C'est pas pire que le micro que j'ai en bas, à Ouais, moitié arraché, voilà, avec la moitié de l'oreille. défoncé. Et encore, je l'ai changé celui-là parce qu'au départ, c'était encore un autre micro. Et alors, dès le départ, j'ai eu un souci avec le son. Enfin, pas avec le son, mais avec un personnage que j'avais peur de mettre au début. C'est le personnage de McGonagall, donc Madame Ingall, qui vient, en fait, le nom, c'est tout simplement Madame Ingall, je crois, de la petite maison dans la prairie, voilà. Je trouve ça comme ça. C'est pareil, c'est des trucs, des fois, ça me vient comme ça. Et ces personnages-là m'embêtaient parce que je voulais absolument que ce soit pas un personnage humain. Mais en même temps, si je faisais un cyborg, forcément, il aurait une voix de merde. Bah ça va, c'était bien démerdé, ça rend pas trop mal. Plus ou moins, je suis plus ou moins content du résultat. Donc bon, vers la fin, dans les autres épisodes, j'ai essayé de lui faire une voix un peu moins chiante, on va dire, un peu moins horripilante. Mais quand même, je suis pas tout à fait satisfait du départ. Cela dit, Très rapide. voilà, non, c'est pas ça. Cela dit, les échos ont été assez satisfaisants. J'ai trouvé, j'étais assez étonné d'ailleurs, parce que Ben, comme on voit, enfin, donc nous on utilise Netophonics. Vous avez sûrement vu ce podcast. Et Netophonics, donc c'est un forum avec une base de données de saga MP3. Mais j'avais peur un petit peu de le mettre là-dessus. Je connaissais pas trop au début. Je me suis dit, je vais me faire jeter, quoi. Et en fait, bon, les échos étaient pas trop mauvais. Bon, on me disait que la technique c'était encore un peu à revoir, mais c'est pas pire que certains, hein? Parce qu'entre nous, on en a écouté un tout à l'heure, on a arrêté au bout de 2 secondes parce que On ne c'était, citera pas le nom voilà. par politesse. Bah, Ça me faisait c'est froid comme dans le tout, dos. hein, il y a de la merde et il y a du Voilà. bon partout, tout comme Oui. nous, le Et truc que on ne tu dit fais, pas qu'on est ça. des trucs super bons, Ah bah on n'est non, hein, pas c'est en... carrément pas. Hein. Au contraire, par rapport à certaines séries qui sont hyper pures au niveau du son, le jeu d'acteur est tip top. Bon, bah, si on fait ça en amateur, on fait ça vraiment pour vous et puis pour délirer Ouais, un c'est peu un peu plus pour pour la le fun, quoi. déconne Voilà. que pour les autres, Ça quoi. a rien de. Je sais pas. On va pas faire comme le Donjon d'Hollbuck, carrément pas. On va s'amuser à faire un site complètement là-dessus avec. Bon, on pourrait, mais franchement, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère que voilà, y ait une petite communauté qui écoute et puis des acteurs. On s'entend bien avec les acteurs, puisque j'avais été les Enfin, moi, je voir. sais pas, hein, Tu les c'est connais toi. pas, toi. À part moi, il connaît personne, mais moi, Bah, j'ai moi, j'ai vu pas quelques Internet, acteurs. hein, faut préciser. Déjà, donc. Internet, donc ça Pour qu'il aide. m'envoie ses Ouais, fichiers déjà, vu qu'il est sur Lyon et que moi je suis sur Metz, c'est un peu galère. Et donc à Nancy, moi j'ai pu rencontrer un petit peu les acteurs. Donc acteur de Elmiton, Dracho Malfait, alors attends voir, et donc Otaku qui fait Rusard, Ruzard Gay, et encore chercher Anowan, voilà. Qui va faire bientôt Yuya Yogurt. c'est bien ça. Donc Luna Lovegood. On parlera peut-être de ça après. Et donc j'ai pu les rencontrer, c'était très sympa, ça permet un petit peu de D'échanger, ouais. d'échanger, voilà. Et du coup, au niveau matos, ils sont beaucoup Ils plus sont fournis que largement nous. mieux. Bah déjà donc Ils ont un studio Orin, perso. c'est son nouveau nom maintenant. Alors, il s'appelait Butterfoot. Lui, c'est son boulot. Donc Ah bon, ouais, donc voilà, ça aide, hein. il doit avoir un matos de fou, moi je pense. Ouais, Cela dit, ça aide. c'est pas pour ça qu'il arrive forcément à avoir la même voix à chaque fois, parce que Dracho, c'est une voix. Bon, Ouais, mais ça, c'est compliqué quand c'est même de une garder voix la assez même voix, hein. difficile. Ouais, voilà. Et même Et en se c'est à ça que je voulais réécoutant. dire. Ça, entre l'épisode 1 et peut-être l'épisode 5-6, il y a des Ouais, bah modifications ouais. de voix, mais c'est on n'arrive pas, quoi. Faudrait Bah, faire c'est tout d'un coup normal. et. Ouais, mais en même temps, c'est normal. Hein. Moi, je le vois comme dans les voix que je fais sur Hagrid ou enfin, Arid ou Donbanawa, j'en chie. Hein. J'essaie d'écouter les voix parce que j'ai gardé les enregistrements que j'ai fait du premier truc. Et je me réécoute avant de me réenregistrer pour refaire la même voix, mais ça fait pas parfaitement la même voix. Ouais, bah, ça c'est un petit peu le souci qu'on a. Bon. Ça, plus les endroits où t'enregistres, si t'enregistres pas au même endroit, que ce soit à 2 mètres près, ça modifie tout. Ou je vois chez moi, j'ai dû refaire tout un enregistrement que tu m'as demandé de Ouais, refaire. Moi, désolé. je le fais avec plaisir, mais voilà. Et en fait, j'avais mis mon micro, c'était sur une étagère, et ça faisait caisse de résonance, et du coup, ça résonnait, et Ah c'était la merde. Je ouais, m'en c'est la suis rendu merde. compte après, donc. Ouais, c'est pas grave, après, c'est les aléas De du l'enregistrement doublage. audio. Bon, moi, en tout cas, enfin, je sais pas comment c'est. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous commentiez après le podcast parce que moi, quand j'enregistre, je m'éclate, quoi. Ah ouais, Je bah me fends moi c'est bien un la peu le jeu. gueule, quoi. D'ailleurs, je reçois les fichiers, je m'amuse un peu aussi en les écoutant. Mais bon, on s'amuse bien. Enfin, moi, personnellement, je m'amuse bien, mais c'est assez long et faut pas s'étonner de voir 2 3 mois avant d'avoir un épisode. Bah ouais, c'est clair, Enfin, il y a je veux beaucoup de dire. voix, il y a beaucoup de montage. Choisir le bon, parce qu'on t'en enregistre plusieurs. En plus, moi je suis devant son PC, là, j'ai regardé, il m'a montré 2 3 enregistrements Ouais, et il y en a des tonnes, il y en hein. a des tonnes, quoi, il y a de quoi En faire plus, c'est le bordel, alors, son bordel sur mon ordi, alors. Donc voilà. C'est un peu aussi ce que je veux dire, c'est que pour vous remémorer, vers donc à peu près en avril, j'ai aussi changé d'ordinateur. Ce qui a aussi pu modifier des trucs. Ce qui fait que j'ai plus le même son qui me vient aux oreilles. J'ai des petits soucis, j'ai perdu pas mal d'enregistrements, donc j'ai dû tout refaire les enregistrements, enfin pas l'enregistrement, mais refaire le mixage de l'épisode 3, qui n'était pas du tout comme ça au départ. Ça explique plein de trucs. Et oui, il y a des petits, des fois il y a des sons bizarres que certains entendent et que moi j'entends pas parce que bon, bah, mon PC, c'est pas bon, il est pas mauvais, mais c'est pas une bête de course non plus, c'est un portable. J'essaye de l'écouter sur différents, on va dire, différents supports avant de le mettre en ligne, mais bon, il y a toujours des fois de la merde, quoi. Et c'est plus ou moins indépendant de ma volonté, mais j'essaye quand même de faire les choses à peu près audibles. Et est-ce que Et puis tu c'est remarques des l'essentiel, quoi. différences entre les acteurs, entre les doubleurs, C'est-à-dire. en fonction de l'enregistrement et du matériel qu'ils ont? Est-ce que tu refuses des enregistrements parce que c'est mal enregistré, Ça m'est mal arrivé, en ça m'est dehors de la arrivé. voix, hein, je parle juste au niveau du matos, En dehors de la voix, genre oui, des bah, en grésillements général, ou c'est pas des... grave la voix. Bon, je veux dire, chacun a sa voix. Je veux dire, il y en a qui auront une voix plus grave, pas forcément une voix que j'aurais pensée pour le personnage, mais bon, c'est un peu le délire aussi. C'est que bon, on s'y attend pas et c'est pas mal. Et au niveau du matos, c'est vrai que j'ai dû demander à des gens d'en refaire, ou j'ai dû carrément leur dire non, quoi, parce que ça grésillait trop. J'ai essayé d'épurer les enregistrements, mais ça me prenait le chou, quoi. Donc j'ai dit, pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, et il faut pas qu'ils se sentent voilà, offensés. On n'est pas, on n'est pas méchants, on n'est pas des enfoirés non plus. C'est vraiment que je pouvais pas. Quand je peux pas, quoi. Vraiment, il y a des trucs. Faut pas s'amuser à épurer toutes les voix de tout le monde. Parce qu'après, c'est pas le problème de faire 3 clics sur mon ordinateur. C'est que ça bousille les enregistrements. Plus j'enlève du son, disons, moche, des grésillements, un truc comme ça, plus la vraie voix va être modifiée. Ouais, bah ouais. Donc, Du coup, c'est moins pur. voilà, c'est Les moins pur et jeux des acteurs sont un donc je peu préfère faussés, pas, à quoi. la limite, c'est presque moi qui dis non, je préfère pas parce que j'arriverai pas, quoi. Okay. Et donc, dans l'ensemble, est-ce que tu es satisfait des voix que tu as Dans choisies? l'ensemble, oui, mais bon, il y a des voix, j'aurais peut-être pas choisi ces personnes-là pour ces voix-là. Par exemple, bon, faut pas se sentir offensé, hein, je dis. Je crois que c'était Licali qui avait fait la voix de Madame Bidoche. Donc Madame, comment elle s'appelle? Moi, ouais, c'est ça, bidoche. Oui, non, mais Bidoche, mais en Bibine. Bibine, voilà, c'est ça. Je cherchais dans Harry Potter. Mais c'est pas la voix que j'aurais pensé. Donc Moi, j'aime bien, c'est pas franchement, c'est la. pas mal. Oui, après ça, moi je trouve que ça fait bien au final, Ouais, parce c'est vrai. que C'est j'ai vrai qu'au départ, l'habitude ça fait maintenant. bizarre, hein. Ça fait bizarre. On n'a pas les mêmes intonations que dans le film, enfin entre guillemets. On n'a pas. Moi, c'est pas ça que j'ai m'imaginé, mais bon, je l'ai mis, donc Bah, ça me plaisait. en fait, mais ça, c'est Je même. Moi, vais mettre de la merde si je l'aime pas, quoi. Pour justement confirmer le fait que c'est pas une critique, moi je le fais envers toi, c'est-à-dire que quand je lis le scénar que tu m'envoies, des fois j'imagine pas du tout les Tout à fait, intonations-là tout à fait de aussi. tes doublages. Donc je me dis, quelque part, pour moi ça doit être la même chose pour toi. Après, L'idéal, ça serait en fait que tu t'enregistres avec les intonations, tu nous l'envoies et que nous on le redouble, mais ça Je prendra l'ai un temps fait. Je fou. l'ai fait pour certaines personnes qui ne comprenaient pas trop, mais je pourrais pas le faire pour tout le Bah monde, ouais, c'est quoi. clair, ça prend un temps fou. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir un petit peu la surprise, d'avoir un enregistrement marrant. Par exemple, donc là, on a écouté tous les deux l'enregistrement de Hanoan, qui me disait, enfin, qui faisait Yuya, et c'était mortel, quoi. Moi, j'ai trouvé ça Ouais, trop c'est marrant, excellent, quoi. elle reproduit bien la voix de dans le film de Luna, quoi. Mais voilà, quoi. Donc ça, c'est des choses. Et puis après, comment dire, si on refuse, ben, c'est la vie. On peut pas non plus accepter tout le monde. Je pense on est déjà pas mal. Je sais plus exactement combien on est depuis l'épisode 6 là que je suis en train de faire. Ouais, une douzaine, hein. On doit être une bonne douzaine. Donc entre les petites voix vraiment qui durent pas longtemps et les voix très longues. Alors j'essaie de moins en moins de mettre mon personnage, parce que voilà le truc aussi où je voulais en venir, c'est que dans Achipawa, je voulais faire quelque chose d'assez court, enfin court, pas plus, on va dire, de 10 épisodes. Et ça, Donc, on reviendra à l'histoire peut-être juste avant que je termine. Ouais, non. Je sais plus ce que je voulais dire après. Ça, je m'embrouille. C'est rien. Pas naïf. Non, mais ok. Oui, bon, on peut revenir à l'histoire, mais ce que je voulais dire, donc voilà, c'était pas grave si on enregistre des choses un peu merdiques. À la fin, ça rend pas trop mal au final. Ouais, non, franchement, moi j'aime bien, c'est pas mal. Je veux Après, dire, au je suis niveau pas très du... doué non plus en acteur. J'essaye de minimiser, enfin, essayer de pas de cacher ma voix, mais de faire apparaître pas mal de personnages qui existent dans Harry Potter. Donc, il faut forcément que j'en enlève certains. Ce que vous allez entendre à un moment dans l'épisode 6, c'est que y a plein de personnages. Et il y a donc One qui dit bon bah moi je me casse, il y a trop de monde Ah quoi. oui, je me souviens. Parce que voilà quoi, c'est obligé, au bout d'un moment tu piges plus rien quoi. C'est d'ailleurs, moi, un des défauts que j'aurais à dire, mais bon, ça, c'est dans pas mal de sagas, c'est qu'on comprend pas forcément le scénario, enfin, pas dans le scénario, mais dans la culture nippone en elle-même, moi, qui ne suis pas du tout un otaku, vu que je Tu connais connais pas, tu rien, comprends pas les références? puis le seul manga que j'ai eu, c'est Hunter et quelques One Piece. Donc ouais voilà, je comprends pas les références, mais en fait ce qui est pas mal c'est qu'on rigole quand même, même sans comprendre toutes les références. Donc moi ce que je me dis c'est ceux qui connaissent ces références, ils doivent halluciner quoi. Bah, ils aiment bien. Il y en a. Ils J'ai reçu quelques messages très sympas et doivent réécouter 15 000 fois l'épisode quoi pour tout comprendre. c'est pour ça que j'ai fait donc des petites vidéos avec toutes mes références, donc que vous pourrez voir sur Dailymotion ou sur le site notre blog là, nos comments. Et puis voilà, Qui bon, explique, ouais. qui explique à peu près comment ça fonctionne, enfin d'où viennent les idées, parce que des fois c'est vraiment des petits trucs que moi j'ai dans ma culture que forcément les gens ne connaissent pas Ouais, c'est forcément clair. quoi. Mais il y a même des délires qu'il y a entre nous deux, des Aussi, fois, donc oui. les gens peuvent pas du tout comprendre si il y a que nous deux qui peuvent D'ailleurs, comprendre, que je ne donc mets pas forcément dans les références. voilà. Donc Voilà. voilà. Ok. Et au niveau du scénar, tu l'as déjà jusqu'au bout en tête ou tu inventes au fur et à mesure, c'est de l'impro? Entre les deux. En fait, c'est pas mal d'impro, mais comme je disais au départ, je voulais faire donc un peu d'amour, un peu de baston, un peu machin. Et au fur et à mesure, donc surtout dans les premiers épisodes, je les ai fait un petit peu comme ça, un petit peu à À l'arrache, l'arrache, ouais, ouais. voilà, on peut dire ça comme ça. Ça écrit tout seul, c'est bien, j'imagine, et puis hop, ça écrit. C'est assez long quand même, mais j'ai eu l'habitude à l'époque de faire des fanfics et tout comme ça, même si c'était pas très intéressant, mais bon, voilà, je me suis posé la question, est-ce que je fais déjà un truc humoristique? Tout au départ, quand je voulais faire quelque chose, une saga MP3. Et au final, ouais, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'humour. Et c'est vrai que, bon, de l'humour, on en voit partout. Hein, je veux dire, dans toutes les sagas maintenant, quasiment, Et donc toi, tu as on va une dire particularité, 90%. c'est que tu mets des, je sais pas comment ça s'appelle, mais des parties d'humour où c'est tu ressors de l'histoire en fait, je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, genre tu dis Oui. t'es mon copain dans les C'est bouquins. pas. Comment dire? Oui, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce décalé, oui. C'est pas un J'ai le chronique. mot, mais ça vient. Ça vient. Non, non, la chronique, c'est autre chose. Mais ça, j'essaye justement. C'est comme les insultes, j'essaye de n'en mettre pas beaucoup. Parce que ça Ouais, devient vite lassant. il y en a pas mal quand même. Hein. Dans un épisode, notamment Dans trois, quoi. certains épisodes, j'en mets. Je peux en mettre pas mal, des apartés. C'est ça que, Voilà, voilà. c'est ça. Et ou avoir une petite voix off au début de l'épisode 4. Ouais, Mais là, par c'est autre exemple, chose, la voix off, ouais, c'est autre c'est plus chose. ou moins autre chose. Des apartés où on se dit, oui, tiens, machin, je sais pas, ma poitrine a augmenté depuis le dernier épisode. Bon, ça, c'est un aparté. Je sais pas comment les gens le voient, mais j'essaye de pas trop en faire parce que je sais que ça peut lasser les gens. Et par exemple, dans l'épisode 5, il n'y en a pas du tout. Et dans l'épisode 6, il n'y en a pas non plus. Ouais, Si je ne m'abuse, hein, si je dis pas de conneries, voilà. Donc je pense qu'on dit d'ailleurs plus d'insultes en ce moment dans c'est notre pas podcast qu'il y en a aussi dans le dans bah Hachipawa. dans le manga, Il y en a. enfin dans le scénario, il y en a aucun. Moi, j'ai Il y en jamais. a un petit peu, mais c'est des merdes ou c'est des putains. Mais vraiment un truc très très soft, on va dire. Moi, je vais pas Parce que dans putain, c'est l'hardcore. soft. Bah Il n'y a non, pas mais Pluto dans la... dans ton scénar. Si, Il y a quand... juste Dracho qui dit bande de moules et Non, bon. oui, non, mais ça, c'est marrant, mais c'est pas ça. ça vient... One quand il s'énerve. Non, non, comment qui s'appelle? Le Black. Sourdine Thomas. Sourdine Thomas, tiens, il connaît mieux que moi. Sourdine Thomas, à un moment, il fait « Oh, putain !» Truc comme Ah ça. ouais, putain, ces Mais gros geeks. c'est... Voilà, ça reste... C'est pas, putain, vraiment, un truc énervé, quoi, c'est... Ouais, ça reste soft. Soft, c'est pour ça que je dis soft. Au à niveau tout de la moment. musique, tu prends celle du film qu'on a pu remarquer. Je prends du film, des 6 ou 7 films. Je prends des jeux vidéo maintenant parce que je commence à être à court. Je commence à prendre des jeux vidéo et enfin des jeux vidéo, je parle de jeux vidéo Harry Potter. Et je prends aussi parfois de manga, d'animé ou de trucs comme ça. Et parfois, on entend à un moment, par exemple, quand il met le casque de Megaman, bah, forcément, t'as la musique de C'est excellent d'ailleurs le casque de Megaman. Megaman. Ça, c'est aussi des trucs que j'invente sur le Moi vif. Bon, je sais pas trop d'où ça sort d'une imagination. C'est le mec qui se la pète à peine. j'adore ça. Attends, je vais chercher les roses. Et donc, voilà. Et si on peut revenir sur chaque épisode, à la limite, vite Ouais, à fait, la comme limite, ça. ouais. Donc On est à le 1. combien là? On est à 26 minutes déjà. Et ben dans l'épisode 1, donc on avait fait ça tous les deux, tout seuls, comme des C'était un grands. peu galère, hein. C'était un peu Franchement, galère. on a Est-ce qu'on me avait fait tapait à vraiment des. ensemble les premiers ou est-ce que c'était déjà séparé? Toi, Non? tu m'envoyais les trucs? Ouais, déjà. C'est ça? Ouais, je me rappelais plus trop en fait. Si, c'est ça. C'était, tu m'avais dit, On en est-ce que avait tu peux parlé faire une ou deux ensemble. voix? Voilà. Et puis je t'ai Au dit, final, ouais, il je y en veux avait bien 8 faire si vous un. voulez, quoi. Non, maintenant, je suis Maintenant, avec je suis. Harry de One. Et... Non, même pas dans le premier, il y a que Harry et Dumbanawa. Dumbanawa et le cousin, Ah oui, Dudley, ouais. Dudley, Bidley, ouais. ouais. Bah, Dudley, ça dure 2 secondes, ça. Voilà, ouais, c'est des petites voix comme ça. Moi, j'avais fait. Alors, ça, c'était mon problème, c'est que j'aime pas, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas beaucoup modifier des voix. Donc, j'aime. Alors, je vais juste faire ça. Je baisse la lumière de l'ordinateur parce que ça nous éclaire depuis tout à l'heure, ça fait un peu mal aux yeux. Donc j'avais utilisé, j'avais pas mal modifié la voix de Madame Ingall, mais je voulais pas que la voix de Juan, la voix de Hachi, la voix, voilà, j'aimais Mitten. pas trop que ce soit modifié. Donc Mitten, c'est pas du tout modifié, c'est sa vraie voix. C'est la seule que j'ai pas modifiée parce que je trouvais vraiment la voix excellente. Et sans besoin. D'ailleurs, il y a Yuya aussi où j'ai juste un tout petit peu modifié en hauteur pour qu'elle soit un tout petit peu plus aiguë, conformément à ce que je pensais, un peu à ce que je m'imaginais. Mais voilà, j'aime pas faire des voix hyper hautes, hyper basses. Ouais, c'est en même temps c'est mieux parce qu'on comprend mieux quand il parle quoi. Voilà, bah pour ceux qui connaissent, donc quand je fais les effets avec Audacity. Je vais aller jusqu'à plus 2 ou moins 2 en hauteur, quoi. Voir peut-être pour Harry, c'est celui qui a le plus bas, ça doit être 2,5 en bas. Donc c'est un, bon, pour ceux qui connaissent, quoi. On modifie vraiment la hauteur du son. Mais moi, j'aime bien jouer un petit peu avec le tempo. Changer le tempo du gars. Donc, si toi, par exemple, qui fais One, moi, je sais que hauteur, c'est 2,70. Et tempo c'est 5, moi je le connais là parce que voilà quoi, mais je sais aussi que voilà, si je veux utiliser par exemple Dumbanawa ou Arid, je vais mettre tempo à moins 5 ou à moins 10. On va avoir un petit décalage, si vous voulez, comme ça, un petit décalage entre la voix de Arid et la voix de Juan. Alors après, je suis pas un expert, il y a des gens, bon, ils utilisent d'autres logiciels, genre Cubase et tout ça, moi je connais rien. Donc je fais comme je peux et oh, ça marche quoi, je trouve. OK. Donc dans l'épisode 1, on a fait ensemble, mais non, il n'y avait personne qui m'avait aidé. Vraiment, j'avais vraiment tout fait. Enfin, on avait fait tous les deux nous-mêmes. Ouais, il me semble. Non, c'est à partir du 2 où vraiment il y a eu des nouveaux personnages. En même temps, c'est nécessaire vu qu'il y a pas mal de. Il y a toute la Bah famille ouais. Teed, il y a Hamilton, il y a tout Exactement, ça. ouais. Donc, on n'allait pas se taper toutes les voix. Et le premier, donc il se termine. Ouais, alors j'ai essayé vraiment de changer, de pas faire comme d'habitude la petite. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est toujours pareil de toute façon dans les parodies. On reprend exactement comme dans le film. Là, direct, j'ai voulu marquer le coup. Et le marquer le coup, c'était ne pas faire le zoo, faire complètement autre chose de complètement différent. Et donc c'était par exemple vraiment faire une convention de comics ou je sais plus quoi. Et donc la convention, elle est avec Batman et tout ça. Et c'est un petit peu pour donner l'image otaku et comics. C'était la distinction que je voulais faire puisque ce sera au final un petit peu le combat des otaku contre les comics. Pas tout à fait, vu qu'en fait... Donc Voldemort, Boru de Morité, voilà, on apprend son nom plus tard dans l'épisode 6. Et ben c'est un otaku qui a soi-disant mal tourné, mais en fait il a mal tourné parce que il est, on va dire, il est fan aussi de tout ce qui est magie noire. Je confonds avec Voldemort, mais il est fan de comics plus ou moins et et comme les deux peuvent pas aller ensemble, pour les otaku en tout cas, lui, c'est comme s'il était sombre et tout ça. Donc, Mais du coup, ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout comme dans Harry Potter, parce que du exactement. coup c'est Woru de Moruté qui est parce qu'en fait les Casse-Cul Donc ça, c'est les moldus, ouais, c'est ceux qui voilà. aiment les comics, on Voilà. est d'accord. Donc en gros C'est entre Woru les de deux, quoi. Moruté, il est casse enfin il aime les Casse-Cul et il aime les otaks, Voilà. alors que du coup les otaks ils aiment pas les Casse-Cul. Voilà. Alors que dans Harry Potter, c'est l'inverse, veux dire t'as les Exactement. sorciers, Et les c'était le truc moldus, que je voulais faire et depuis le début. donc en fait Changer il est un pas petit peu la méchant. donne. Ok. Plus ou moins, bon, après, il fait pas forcément des trucs gentils non plus. Ah, c'est intéressant ça, je savais pas, Ah ouais, on on apprend apprend des des choses. trucs. Je vais casser tout le reste Ah dans la série. ok, d'accord. Voilà, et c'est pour ça qu'ils en ont un peu peur. Mais. On aura la marque des ténèbres, c'est la marque de Batman par exemple. Ne le dis pas, ça! Mais ils le sauront. N'écoutez pas le podcast. Voilà. Non, je vais pas faire trop de révélations, de toute façon j'en ai pas énormément. Hein. Mis à part ça, j'en Ouais. ai pas énormément puisque je suis encore vaguement. Je sais à peu près ce que je vais avoir pour les prochains épisodes. J'ai pas la fin. J'ai pas tout à fait la fin, Ah, mais mais c'est assez important, hein, la fin. ça Très ressemblera important. très fortement quand même à Harry Potter, je pense, puisque j'essaye, même si je dévie d'Harry Potter 1, j'essaye quand même de rester dans la ligne de mire de Harry Potter 1. Ça, c'était bon pour on va dire, les 4-5 premiers épisodes. À partir du 5, il y a tout de suite un petit truc bizarre. C'est que je commence à parler de personnages qui ont rien à voir avec vraiment le tome 1 d'Harry Potter. Donc je parle de Wingman Lucum qui est en fait donc comment il s'appelle Chrome Crabbe qui apparaît pas avant le tome 4 en fait. Mais j'ai voulu les intégrer parce que je trouvais que l'univers est assez riche, mais en même temps je me dis je vais pas avoir le temps de faire 50 épisodes d'Achipawa quoi. Bah ouais, c'est logique. Donc j'essaye de prendre le meilleur, surtout dans les on va dire les 5 derniers épisode, je vais essayer de prendre des personnages qui existent que dans les saisons d'après, enfin dans les livres d'après, ou les films d'après, et les réintégrer dans Hachipawa. C'est pour ça qu'on a Luna Lovegood, alors qu'on devrait l'avoir que dans le tome 5. Mais en même temps, c'est sympa, parce que je crois pas qu'il y ait encore de saga MP3 où elle apparaisse. Parce que vu qu'elle apparaît très loin, ou je sais pas, où Lupin, bon, ils apparaissent parce que ça devient difficile. Après, il faut vraiment avoir une longue saga. Moi, je trouvais ça sympa. Ouais, c'est Je bien, trouvais c'est pas mal. l'idée sympa de changer un petit peu. Et en même temps, on dévie du scénario principal tout en restant. C'est un peu compliqué, mais. Non, ouais, je comprends l'idée, quoi. Tu prends des éléments de toute la saga Harry Potter, mais tu restes dans la ligne de mire de Harry Potter. Voilà, c'est ça. Ouais, Tout bon, ça se en comprend. mettant du manga. C'est un peu compliqué, mais ça a l'air de marcher. On y croit, donc Ouais, c'est on y croit. Bah, l'important, c'est que tu finisses. Hein. Si voilà. tu fais comme Yoshiro Togashi, que tu te casses en plein milieu ou que tu mets 15 ans à finir, là, ça va être chiant. Ouais, non, non, mais je pense. Ouais, disons un an et demi peut-être, ça va durer encore. Sauf si je meurs d'un accident de voiture. Le gâteau. Voilà, et donc pour le numéro 1, l'épisode 1, on avait, j'ai marqué le coup avec cet épisode du zoo qui devient un comics. Et Avec un aussi. petit passage où je comprends que dalle quand il se fait shooter Quoi? avec le parachute là, rien pigé moi quand je l'ai écouté, je pigeais que dalle. Je me disais il est à l'intérieur puis d'un coup il se fait kicker et Bah, il est à puis l'intérieur, il ouvre son parachute, hein. C'est normal. j'ai pas Oui, bah, parce que c'est logiquement, c'est pas assez. On s'écraserait ouais. largement avant pour pouvoir Non. ouvrir. Mais non, c'était juste le délire. En fait, ça vient de Nicky Larson, le générique de Nicky Larson. Tu tombes. En fait, lui, à la fin du générique, il déploie son parachute avec un cœur au milieu. Et moi, il me semblait que c'était une image porno. Je sais plus pourquoi, tu vois. Je sais pas, esprit tordu au Voilà, mille, exactement. faut qu'il y avoir le scénar de Ouais, Chipotle. donc petit problème technique. Pile au bon moment. Pile au bon moment, Vincent a trituré Le le micro, la micro prise du micro. et il marche plus maintenant. Voilà. Voilà, c'est foutu. Donc on a dû prendre un autre micro de J'ai merde. flingué son micro. C'est avec ça que t'enregistrais Chi ou pas? Ouais, avec celui-là Non, normalement. bah c'est bon. Donc Bon, désolé, mes voilà. excuses, hein, voilà, Sans ça a rien, sans coupé le boulet de base. rien. Donc on Voilà. disait, oui, t'as un esprit tordu, hein. Voilà, c'est ça, enculé. Non, Donc. et puis, ouais. Donc, est-ce que j'ai du coup. Non, j'ai pas dit ce que je voulais dire depuis le début. À chaque fois, on me coupe. Mais depuis le début, je voulais parler donc du fait que dans Harry Potter. La scène importante, c'est que il parle au serpent. Ouais. Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas. Et ça, je voulais aussi le marquer. C'est-à-dire que, par exemple, Hachi n'aura aucun don particulier si ce n'est d'avoir un truc dans la tête. Ouais, c'est pas mal. Un héros normal, banal, comme toi et Voilà. moi, c'est bien. Bah, et puis, je l'ai fait un peu blasé, même si ça refait un peu réédite. Enfin, réédite. Ça ressemble un petit peu. J'ai pris. Banal Fantasy 2, sequel. Donc c'est aussi une saga MP3 où le personnage est aussi assez blasé comme ça, etc. J'ai essayé de reprendre un petit peu sa manière parce que je voulais pas trop occulter quand même les autres personnages. Bah moi le côté blasé, il y a un passage dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, où ça me saoule en fait. Genre il en a Ah ouais? marre, ouais. Mais bon voilà, après C'est bon c'est à les savoir, goûts. après je peux essayer Ouais mais non, de. c'est des goûts, c'est mes goûts à moi. Après je Ouais. peux, c'était à toi de faire ton truc, hein. Moi je m'en Ouais, fous. c'était imaginé comme ça, mais après on peut faire évoluer le personnage, ça pose pas de soucis, quoi. Bah Il c'est à peut toi en de voir. avoir. Ouais, c'est. J'y réfléchirai. Donc, épisode 1, bon, il se Voilà, passe pas l'épisode énormément de 1. choses, si ce n'est que Harry arrive et. Voilà, il tue les D'accord. Indotaku C'est trop con. et voilà. Et donc dans l'épisode 2, on arrive tout de suite à la rue des perverses. Ouais, moi j'aime bien le passage Le avec le karaoké, c'est trop bon ça. karaoké, c'est avant. C'est avant, c'est dans 1, ouais. La rue C'était des aussi un truc. perverses, ouais, c'est pas mal, ouais. Il y C'est a un combat de tranquillou. rue, donc là c'était plus axé sur Manga Kenshin, que je connais beaucoup plus là. J'adore, c'est un de mes préférés. C'est pas mal, au moins il se fait des thunes d'un coup comme ça. C'est bien. Voilà, et il n'y a pas de passage sur Ingot. À savoir. Hein. Ouais. Bah, il y a Oniwaban. Si, il va dans une banque, il prend le fric, il prend le pacemaker, Ouais, et puis il se il se barre. barre. Bah, Pacemaker, c'est parce mieux, hein, que. tu t'avais pas faire les wagonnets et tout, c'est chiant, on Bah s'en voilà fout. quoi, j'essaye de changer un Il petit faut bien peu, raccourcir le truc, et au quoi. final, on a pris peut-être plus de temps à l'aéroport, Ouais. alors que ça dure 2 secondes dans le film, quoi. Enfin, 2 secondes, Ouais, mais j'exagère, mais. c'est mieux, ça a introduit les personnages, la famille Tide. La famille Tide, donc c'est Tide, hein, pas Tide. Tout le monde me dit Tide à chaque fois. Tout le monde me dit Tide dans les épisodes, ça m'énerve parce que Bah du oui, coup je suis ça se obligé de dit redemander. Wanted comme Wanted, comme ton petit affiche de Trafalgar Law. Ouais, qu'on vient de m'offrir pour Noël. Wanted. Mon anniversaire, en fait. Enfin bref, voilà. Et Donc épisode 2, la gare. La gare a été très sympa, j'aime bien ce passage, moi. Moi j'aime bien aussi. Donc J'aime c'est bien là où on comme apparaît. Hagrid il lui met un vent. Ah ouais, il se bat pour aller voir une meuf, en Hagrid. fait. Qui est en fait un petit peu vraiment là la parodie du film, en fait. Puisqu'on aime bien aussi parodier le film et aussi le livre. Donc parodie un petit peu, vous verrez dans l'épisode 6, il y a une très grosse parodie du film 4. Donc, vous verrez, je vous le dis pas. Mais un passage qu'on a vraiment pas aimé. Voilà, je peux pas être plus précis après. Sinon, je le dis Ouais, carrément. on fera un podcast à la fin, Et tu me diras. voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La gare, tu aimes bien. La gare, j'aimais bien parce qu'on a deux nouveaux personnages qui arrivent. Donc. Enfin, si, il y a quand même Chidur. Madame Chidur. qui est en fait Madame Guipure dans les bouquins. Qui n'apparaît pas dans les films. Et qui est couturière. Donc, pour ceux qui. Donc, Chidur. Je sais pas, ça m'est venu aussi comme ça, parfois. Hein. Et donc, c'était celle qui fait Ellington qui a fait ces deux personnages-là, la voix de la gare et la voix de Madame Chidur. C'était Istria. Qui fait énormément de voix, donc c'est pour ça que des fois elle est un petit peu occupée. J'ai les enregistrements, pas forcément elle, hein, mais parfois j'ai les enregistrements de terre tard parce que voilà, il y a 12 Ouais, ils ont pas que ça à personnes faire en même et, temps. soit je fais un truc avec 3 personnes ou 2 ou 3 personnes et là ça va vite, soit j'essaye de changer un peu les voix, d'avoir pas mal de personnages et c'est mon cas donc. Et donc le flic joué par Corinne et qui est Très bon passage par ailleurs que j'aime passage bien. ouais Moi j'aime j'aime bien bien quand il qui est dit. tiré aussi de un petit peu ouais quand il veut le tuer ou je sais plus Ouais. quoi il a un truc dans la tête ça vient aussi donc de Kenshin je m'imagine le flic dans Kenshin le vagabond c'est comment il s'appelle Saito je sais pas comment on le dit et c'est un flic un petit peu héros, mais en même temps, c'est le héros, l'anti-héros, si tu veux. Donc, sa devise, c'est bien, machin, la devise du meurtre, Ouais, c'est pas mal. machin. Bah, faut le savoir, hein. Moi je savais pas du tout. Et c'est un peu ça que j'aime bien aussi, c'est que je peux balancer des trucs. Par exemple, il y a des gens, tu vois, ils disaient, ouais, j'adore tout ce qui est manga sur Internet, ils me disent ça. Par contre, je savais même pas ce que ça voulait dire cosplay. Ah ouais, quand même. Donc, Même moi je sais. voilà, non, mais après, voilà quoi, tu peux aimer les mangas sans le savoir. Ouais, bien sûr, ouais. Non, Mais c'est pas bon, une c'est vrai que critique, hein. c'est. J'essaye de balancer des trucs, comme par exemple, à un moment, quand Hachi, donc dans l'épisode 3, il arrive, il fait. On lui dit, est-ce que tu veux pas aller participer au club du Genshiken? Genshiken, c'est un manga animé qui m'a pas mal marqué, puisque c'est un animé sur des otaku. Tout simplement, l'histoire, c'est les otaku. Et il y a un club qui s'appelle le Genshiken. Donc, c'est pareil, c'est des petits trucs comme ça. Si on prend la peine d'écouter parfois, si vous regardez sur les références, vous pourrez découvrir des trucs C'est que ça moi qui est j'ai pas mal, découvert. hein, quelque part. On apprend un petit peu tout en J'essaye un petit s'amusant. peu, pas forcément, voilà, la culture. Ruzard Gay. Ouais, c'est pas Ruzard mal, Gay, hein. ça vient donc de Art Gay, qui est un acteur japonais. Qui a fait quelques sketchs il y a quelques années et qui se faisait semblant d'être un mec, on va dire, comment je pourrais dire Bah, ça, gay. gay, voilà, mais plutôt, c'est dur à dire, hein, Tapette. ouais, non, mais c'est pas trop ça, sa manière, il est habillé un peu en SM, tout ça, et il va dans la rue, il fait un petit peu des micro-trottoirs si on veut, mais un petit peu taré sur les bords. Comme Rusa, ouais. Comme Ruzard, mais c'est pas du tout pareil que la prestation que m'a fait donc Otaku, que j'ai gardé Ah si, pourtant. moi j'ai bien aimé. Non, mais entre Ruzard Gay et Art Gay, c'est pas les mêmes intonations, ça c'est pas la même chose du tout. Je le sais, Ah je ouais. connais. Je pourrais te remontrer si tu veux. Ça a des grosses différences avec le personnage en lui-même, mais au final, c'est pas Ouais, grave. ça rend bien, hein. Moi j'aime bien, j'aime Au beaucoup. final, c'est pas grave, du coup, j'ai dit ouais, c'est excellent, je m'attendais pas à ça. Parce que je lui avais donné les liens des vidéos pour qu'il voit un petit peu ce que c'est. Il a fait différent, moi ça me va très bien. Si ça passe, hein. Ouais, c'est bien. Ok, donc Que Evangeline du Lily. coup, je l'ai remis dans un autre épisode plus tard. Vu que le personnage m'avait plu, j'ai dit tiens, ce serait cool de le remettre un peu plus Senna. tard. Senna! Ça, je vous parlerai après. Voilà, épisode 2, épisode 2. Donc il prend le Galaxy Express 999, qui est en fait un animé que je regardais très peu il y a longtemps, mais alors je crois que c'était par le même gars qui a fait Albator, je suis pas tout à fait sûr. Il me semble, oui. Donc c'était un train de l'espace. Donc train de l'espace 999 qui est 9 3 quarts Putain, faudrait que je regarde ta vidéo sur les références en fait, parce que je connais pas du tout. c'est très très similaire, ça m'est venu comme ça aussi, et voilà. Ok. Et on arrive à l'épisode 3. Train qui vole, qui finit dans le Train yacht. vol. Non, on commence par le yacht directement. Voilà, le vol, on découvre Hamilton. On ne découvre pas. One. Si on découvre One, on découvre One dans le Oui. 2. Et on découvre pas Dracho, alors que dans Non. le livre, on le découvre. Dans le train? Ouais. Non, D'accord. je sais plus si on le découvre dans le train, mais on le découvre en tout cas avant. On le découvre au moins chez Guy Oui, chez Pur. Guipure, ouais. Non, on découvre. Non, non, non, peut-être pas. Neville, peut-être. Ouais, Neville avec son Peut-être Neville, crapaud, ouais. son crapaud. Là, j'ai remplacé le crapaud par un lecteur MP3. Bah Puisque ouais, pour rien vivre à avec voir, son voilà, temps. il rajoute son temps. Ok. Et on arrive dans le yacht. Donc, yacht, Pourquoi un yacht? pourquoi un yacht? Très bonne question. Je sais pas. C'est aussi jamais venu comme ça. Et Je aucun trouvais que lien les. avec les mangas, quoi. C'est ça? Non, le C'est juste seul comme ça, pour changer. lien qu'il y a, c'est par rapport au livre ou le Ouais. film où ils prennent Des petites des barques. petites barques. Ouais. Je dis, bah, tant qu'à faire, autant Ok. en faire dans la démesure. Avec le troisième pont, tu m'as dit que ça n'existait même pas. Et une arrivée, pas en fanfare, mais des élèves de deuxième année qui leur font un spectacle, tout ça, qui détruit à moitié le pont supérieur. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas et que j'ai rajouté parce que je trouvais ça fun, tout Ça, c'est simplement. dans la. Oui, c'est à la fin du 2. Ouais. Voilà, c'est la fin du 2. Donc, ils prennent un ascenseur ultra rapide. Exactement, qui est censé les amener dans une île, enfin dans une île Qui qui flotte à flotte. 10 000 mètres d'altitude, d'après Milton. D'après Milton, qui Milton toujours, hein, puisque c'est un peu. Au départ, je la voulais faire encore plus m'étonner que ça, quoi, mais au final, ça s'est un petit peu rabaissé depuis. Ça vient donc du manga, du film de Hayao de Miyazaki, ouais, c'est ça, Hayao, du coup. Donc, le château dans le ciel, où il y a une pierre à l'intérieur et le château peut voler à l'intérieur. En fait, c'est des grosses conneries. C'est une île normale, sauf que voilà quoi, il y a une falaise Elle fait 10 mètres de haut. et voilà, il y a 10 mètres de haut. Et comme il y a du brouillard, il voit pas, donc il croit que c'est un truc incroyable en fait. Non. Ok. Voilà, et on arrive après À Poudlard. à Pou Ah ouais, à non, ah non, Jobard, du coup. Jobard, ouais. J'ai pas trouvé d'autres noms là, j'étais pas trop inspiré. Jobard, Poudlard, bon, pas trop inspiré, mais voilà. Et Bah on si, arrive. parce qu'en fait, les Oui, Otaks, ils sont quand même un peu c'est barges, quoi. un peu ça, plus ou moins, mais ça m'est un peu venu comme ça. En fait, tu vois, je trouvais pas. Et j'ai été dans le dictionnaire des rimes sur Internet. Je trouvais Jobard ou un truc comme ça. J'y crois pas. Jobard, j'ai dû trouver. Voilà. Ouais, c'est souvent ça que je fais. Il y a un dico sur Internet, je sais plus comment ça s'appelle. Et parfois, ça peut te générer plein de noms. De noms par rapport à certains critères, donc la fin du mot, le début du mot. Et parfois, c'est avec ça que je faisais mes délires. Parce que je n'arrivais pas à trouver. C'est difficile hein, de trouver des fois des noms. Voilà. Bah ouais, j'imagine. Donc voilà. Et c'est là où on découvre Sourdine, on découvre Neville, Sénil. Qui est Sénil, c'est-à-dire il oublie tout. J'ai essayé de leur donner une petite personnalité. Par exemple, Sourdine, j'essayais de pas faire le black de base. J'essayais de lui faire un accent plutôt américain, même si j'y arrive pas. plutôt américain, style. Comment ils disent comment ils disent, mec? Black, afro-américain. Afro-américain, voilà. Plutôt un petit peu basketteur, tu vois, comme ça. Et son Drachu arrive donc. Donc moi personnellement, je pense que ça doit être avec One mon perso préféré. Moi, c'est Drachu. Drachu, ouais. Tu parles Bah dans toi, le livre ou non, dans la dans saga? la saga MP3, Moi, Elmiton, je pense. Elle bah fait le délire. toi qui fais One du coup, Bah ouais, c'est un c'est gars. pareil. Si, Moi j'aime pas spécialement Hachi, mais je sais pas. Ochi, ça pète aussi. Bah tu vois, c'est pareil, moi je trouve que je le joue mal, mais bon après. Il joue comme il joue. Et non, c'est dans le 4. Donc, Drachou arrive. Drachu arrive. Et là, tout de suite, j'ai voulu marquer aussi son arrivée par bande 2. À chaque fois, il dit bande 2 et quelque chose derrière. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup, moi. C'est le petit délire que je me suis fait. J'ai trouvé ça sympa de lui mettre une particularité de méchant. Bah, tout simplement. Une particularité de méchant, c'est-à-dire qu'il arrive et en fanfare et. Et il veut faire son gros kéké, et voilà. Parce que c'est un peu ça, quoi, dans Drago Malfoy, il se la pète un peu, donc Bah ouais. forcément, moi, de moins en moins, au fur et à mesure des bouquins et des films. Je trouvais ça marrant. Et donc, ces deux potes aussi qui arrivent, qui ne parlent pas. Ils parlent dans le Ouais, c'est vrai, il 6, parle ils parlent pas. dans le 6, non? Je crois que j'avais fait parler. Ah non, peut-être pas. Non, non, il n'y a pas de voix. Hein. Il n'y a pas de voix. Je crois pas que je l'aurais fait, je l'aurais mis une voix, j'aurais juste mis des noms. Donc sushi et sashimi. Parce que je trouvais rien à l'époque, voilà. Tiens, les sushi sashimi. C'est deux bouffes en japonaise. Et après, donc, on arrive sur la grande salle et il y a la répartition, donc qui n'a rien à voir avec la répartition de Harry Potter. C'est pas les Choixpeaux, c'est un calque de Megaman. Moi j'adore le passage là, franchement, avec la musique qui change Ouais. en fonction de là où t'es, notamment musique Motus Ah oui. pour Bisounours, moi ça me fait trop marrer à chaque Musique fois. de Motus et puis les autres musiques viennent des jeux vidéo Megaman de Megaman X sur PSP. Enfin du moins le remake de Megaman X. Et tu dis. Voilà. Ce que j'avais bien aimé, c'est que moi je l'avais écouté ce truc avant. Enfin, parce que j'aimais bien les musiques de Megaman à l'époque. Je savais qu'il y avait une réédite, donc je l'ai repris. Et j'ai vu qu'il y avait deux personnages. Dans le jeu, maintenant, tu peux contrôler deux personnages, alors que dans le jeu original de Super Nintendo, tu pouvais en utiliser qu'un, Megaman. Donc, du coup, on avait deux musiques d'intro que j'ai utilisées. Donc, la musique un peu plus violente, je l'ai mis pour Drachow. Très bien d'ailleurs. Voilà, je me suis dit, si je mets trois fois les mêmes musiques, ça va être lassant. Si je mets, voilà, il fallait que je mette une fois une musique normale, une fois une musique longue, une fois une musique courte, une fois une musique à Drachow, donc un peu violente, une fois Motus, et ça passait, quoi. C'était un petit peu le problème. Au départ, je savais pas dans quel ordre j'allais faire passer les personnages. Mais Wow, au bon, final, ça rend bien. au final, ça rend bien. Donc c'est le un des passages aussi que j'ai dû refaire vu que cet épisode-là j'ai dû tout recommencer depuis le début le montage. Ce qui m'a pris un temps fou. Vu que les épisodes durent en moyenne 12 à 14 à 16 minutes, enfin bon, je fais pas, je fais en fonction quoi. J'écris mon script, ça fait la durée que ça fait quoi. Peut-être le. Je voulais faire un épisode 6 plus court, et je pense qu'il sera même plus long que tous, quoi. Au final, je choisis pas, par exemple, au départ, je suis tombé sur 12 minutes au premier, 12 minutes au deuxième, enfin, c'était vraiment pas fait exprès, je suis retombé sur 12 minutes. Bon, en même temps, la durée, on Je s'en fout un voulais, peu. ouais, mais je voulais que ce soit pas des épisodes courts. Et pas forcément des épisodes non plus d'une heure, quoi. Sinon, c'est même pas la peine, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est des petits épisodes comme ça que j'ai le temps, que je mets 2-3 mois à faire. Et voilà. Et là, dans le 4, épisode 4, c'est un épisode dont je voulais parler parce que c'est un épisode spécial. Puisque j'avais demandé à chaque personnage, donc à chaque personne qui fait un personnage, le personnage principal, disons, leur principal. Le personnage principal de chacun, donc moi Hachi, One pour Vincent, Istria, donc Elmiton, Drachow, Ruzard Gay. Il y avait qui d'autre? C'était tout? Non, il y avait Gou. Gourmande qu'on arrive. Gourmande, qui fait donc Shouchang. 3-4 comme ça. Quelques personnes. Et en fait, je leur avais demandé donc de me préparer une petite phrase. N'importe laquelle. Petite phrase comique Comique. qui te fout bien dans la Pas. Voilà. merde. Qui me fout bien dans la main. Et en fait, j'ai créé le scénario autour de ces phrases. Voilà, donc ça c'était un petit délire que je me suis fait pour me donner encore une contrainte en plus. Il m'a bien fait galérer quand même C'est pour certains clair. trucs. Moi, je C'est t'ai pour ça mis que des des vieilles trucs des fois. contrepétries à la Voilà. compte. Et alors, le fait que. Voilà, tu t'en parles justement. Le fait que t'en parles, lui il m'a mis une contrepétrie, donc c'était quoi déjà? Le Mont Blanc, machin, Le je vois, mais voilà. Le rien de machin sur le mieux. Mont Blanc, voilà. Y a rien de mieux que le goût de Mont Blanc. Y a rien. Et alors là, je me suis dit, c'est génial de mettre des contrepétries. Donc j'en ai mis pas mal. Donc dans les références, quand je ferai la vidéo sur les références, j'expliquerai toutes les contrepétries. Enfin, je l'expliquerai. Je mettrai la lettre. Donc une contrepétrie, on change des lettres. Et ça fait une phrase en général assez osée. Voilà. Donc. Graveuse. Quel beau métier professeur, par exemple, des trucs comme Y a ça, rien de c'était mieux que les. quel beau fessier me prometteur. On reconnaît les concierges à leur avidité. Voilà, tout ça. J'en ai mis plein finalement. Pareil, enfin, il y a des trucs que vous avez dû pas comprendre parce que donc elle dit par exemple sur le décolleté qui est très Ah ouais, la profond, vis. l'abysse machin. Matez-moi la bise, Matez-moi moi. la bise. Je voulais dire, Non, matez-moi la fille avec le voilà. décolleté, quoi. Voilà la Et profondeur du là, décolleté. j'ai bien chié pour trouver comment j'allais le Ça, mettre, celui-là. c'est moi qui te l'ai filé. Je sais plus, ouais, je crois, tu J'en m'avais avais dit, filé vas-y, tu trois, je devrais le crois, mettre, avec le tout. concierge. Et donc, les autres, toute la phrase donc, de Ruzardier, c'était toute la petite phrase, c'est lui qui me l'avait faite. Donc, Senna, machin, il était interdit de courir dans les couloirs, tout ça, c'était lui qui me l'avait filé comme ça. Que j'ai dû placer aussi dedans, j'ai dû trouver, donc je l'ai mis avant le cours de Rogue, Ah, de il Snap. t'avait filé toute la phrase en entier? Toute la réplique de. Quasiment tout. Et D'accord. j'avais dû rajouter un truc à la fin, un truc comme ça. D'accord. Et il y avait celui qui fait donc Snap, The Chap, je crois qu'il s'appelle, son pseudo, qui m'avait fait quoi il avait fait. Ouais, je me souviens plus de toutes les. Je le marquerai en référence, mais. Par exemple, Elmiton, elle m'avait fait sur le truc du capitaine Haddock, 1 000 millions de 1 000 sabords, c'était elle qui Ah l'avait dit. Ça aussi, il fallait trouver comment le mettre. ouais. Ouais, c'est sympa des petits jeux comme Je me ça. suis un peu amusé, c'était pas simple. Hein. Bah, c'est toi qui nous Sauf. le demande. Non, mais c'est moi qui le demande, donc voilà. C'est Mets-toi un peu de intéressant à défi dire. Des petits dans le défis, montage. voilà. Enfin, dans le Il y a scénario. juste un ou deux que je leur ai dit c'est trop tard là, ça fait perpète donc au final voilà c'est par exemple Aurine qui m'avait mis vraiment à la fin il m'avait sorti un truc je lui avais dit essaye de rester dans cette trame là je lui ai donné un peu la trame de l'histoire essaye de me trouver un truc dans la trame de l'histoire donc c'est ce qu'il m'a fait quoi. Ok. Voilà, donc pour l'épisode 4 qui était assez sympa, j'ai bien aimé le monter parce que c'était un peu un casse-tête. Ouais, y a la voix de Wade et Worge que j'aime pas trop, que tu C'est fais. moi qui fais, ouais, parce que je compte pas les mettre très souvent, quoi. Ouais, je trouve Voilà. ça un peu dommage parce que les jumeaux, c'est deux persos qu'on aime bien dans le bouquin et dans les films. Et là, c'est des voix toutes molles, quoi. Toute C'est pourrie, trop. ouais. Par En rapport au même temps, bouquin. c'est un peu ça que je voulais Mais faire, ouais, parce c'est qu'on les connaît marrant. bien, on les connaît trop dans les bouquins, on adore, Là, il on sait ce déprime qui et leur tout, arrive à la quoi. fin, donc c'est assez triste, mais bon, hein, je vais pas non plus spoiler Harry Potter. mais là, je me dis, ils prennent tellement de place dans les Harry Potter que je me suis dit, c'est pas la peine. Ouais, puis quelque part. Hein. Enfin, c'est Après, c'est l'inverse. mon choix, ouais, bon, voilà, quoi, j'aurais pu le mettre, mais Ouais, c'est c'est des pas grosses mal, tapettes, en hein. fait, c'est ça. Des groupes go Ouais, froussard. on arrive à l'heure de commentaires. Et voilà, donc c'est un peu le truc où les voir. C'est vrai que je les ai pas super bien réussi. Mais bon. One Bah a énormément de frères et sœurs. Parce que j'en ai rajouté par rapport au livre. Il a au moins 13 ou 14 frères. M'en fous, je me tape pas toutes les voix. Déjà, Winnie, c'est bon, je suis tranquille. Voilà, et épisode 4.5. Très intéressant l'épisode Ouais, on s'est 4.5. bien marré, hein. Épisode 4.5 qu'on a fait à 99% tous les deux et une voix de Aurine qui fait Kowa. Parce que il fallait que je la mette dedans et voilà. À la base, on voulait vraiment le faire tous les deux ensemble. Ça devait faire 4 minutes. Et la fille qui 3-4 chiale, minutes. la fille qui chiale. Qui chiale. Et il y a la sœur qui chiale à la C'est fin. un C'est son un en fait. enregistrement. C'est un son enregistré. Enfin, je sais plus où je l'ai trouvé, quoi. Ok. Donc, ça raconte un petit peu la vie de Wan et Hachi au cours, dans les cours Où ils qu'ils se ont. font chier, ils aiment pas Où ils se font bosser, chier, ils aiment alors pas que bosser alors que c'est un c'est une truc pure exceptionnel, quoi. école où tu lis des mangas, tu joues aux jeux vidéo, tu fais du Et c'est sport et pas tout. pire que la magie en fait. Parce que tu fais des trucs de fou dans la magie, tu sais, Bah ils ouais, font c'est clair. léviter des trucs, ils aiment pas. Ouais, ils aiment pas, Et ils aiment ça pas parce qu'ils m'énerve, ont ça des c'est vraiment le truc rédactions qui à m'énerve. faire, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux, hein. Moi je m'éclaterais trop, quoi. Bah ouais, carrément. Et même en cours de potion, même si c'est un enfoiré, Rogue, Ouais, franchement, bah ouais, moi faire des j'aimerais bien, potions, quoi. ouais, ça va être pas mal. D'ailleurs, moi, bon, on va pas reparler d'Harry Potter, mais voilà, quoi. Moi, c'était un personnage que j'ai pas aimé au départ parce que j'avais envie, j'aimais bien les potions, je trouvais ça fun au départ. Et quand j'ai vu qu'il l'avait mis comme un élément méchant et tout ça, Ouais. enfin, j'ai pas trop aimé le choix de J.K. Rowling, mais bon, après. Ça a marché. Ça a marché, elle a légèrement plus de thunes Ouais, que nous. Et on peut se permettre de faire des parodies, voilà. Donc 4.5, on a bataillé sec pour le faire, puisque au final il fait une bonne onzaine de minutes. Ça se dit pas, bah mais. moi je l'ai fait, si ça se dit, mais moi je l'ai fait d'une traite, hein, enregistrement. Ça a dû prendre Ouais. 2 minutes. Voilà, c'est ça, moi je me suis bien tapé là, tout le reste. Parce qu'au final, voilà, le scénario. J'avais envie de mettre des trucs dedans, donc j'ai mis la chambre des secrets, qui est en fait pas une vraie chambre des secrets, qui n'apparaîtra plus jamais. Bah ouais, du coup, c'est juste une cachette Voilà, tout simplement, avec c'est un une trésor cachette avec un dedans, trésor quoi. dans des chiottes. Voilà. Avec Moi, un trésor de merde. Et j'avais envie un petit peu ce que qu'on j'aime. suive un petit peu Moi, c'est la vie. des trucs que j'aime bien dans Chippewa, c'est que tu vois, il y a genre des passages secrets, justement dans le 4.5, le passage secret il s'ouvre, et tu vois, ils le font complètement au pif, tu vois, Ouais, genre un c'est peu vrai. comme si je savais parler bisounours, et il parle bisounours, le truc il s'ouvre, tu vois, c'est Voilà, ça qui c'est est ça. marrant, ça me fait marrer, Parce ce que je genre de voulais pas truc. qu'il voilà, qu'il parle serpent, tout ça. Puis, serpentard, paf. Allez, ce sera bisounours. Ça me paraît très marrant. Mais tout le monde n'a pas apprécié le 4.5. Mais bon, après, c'était un peu notre délire, quoi. Bah ouais, c'est C'est pas un épisode en lui-même, pas un quoi. épisode C'est en lui-même. un Je peu me en suis. dehors de l'histoire. Voilà. C'est en dehors de l'histoire et il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que donc ça suit pas l'histoire, ça d'accord, mais aussi on n'entend pas parler de Aride. Parce qu'à la fin de chaque épisode, vous verrez, vous écouterez, à la fin de chaque épisode, on a une allusion à Aride. Peu importe que ce soit lui qui parle ou que ce soit, bah, on va dire, dans les. Allez, pas la dernière minute, mais les 30 dernières secondes, un truc comme ça, j'essaye de toujours placer Aride. C'est un petit délire que j'ai comme ça. Parce qu'au départ, voilà, au départ, il s'est trouvé que les deux premiers épisodes, ça s'est passé comme ça. Et j'ai dit, allez, pour les suivantes, on parlera d'Aride. Donc vous écouterez. Et donc dans le 4.5, on n'entend pas Aride. On entend. Et pareil, le 4.5 n'est pas dédié à un manga en particulier. Il y a On a d'ailleurs des références des en petites dehors références, de mais. genre l'émission de radio. À la fin, il y a le Tout bonus à où ils fait. vont faire la recherche. Ça, c'est Ça, pas une c'est bien référence à un d'un manga. truc que j'adorais avant, une émission avec Laurent Deutsch, enfin comment on appelle ça, une petite série que Quand j'adorais, il était c'était tout Les petit. Intrépides, quand il était tout jeune, ouais. Et j'ai trouvé ça marrant de refaire ça, je me suis dit pourquoi pas, c'était un petit défi au niveau technique parce que j'ai un peu galéré à faire les sons un peu bizarres comme ça. Les Ouais, ça rend sons, bien ça alors, rend au pas trop final. mal. Ça Moi, rend pas j'aime trop bien. mal, je suis plutôt content. C'était un petit Allez, une défi rose. personnel. Voilà. Chez les. Faut bien que je me lance des roses, faut pas que je dise que je suis une merde à chaque fois, sinon les gens vont plus écouter. Mais je plaisante, je Voilà, plaisante. Et on a des petites références, on a tous les jeux vidéo, donc ils jouent aux jeux vidéo, on a Jurassic Park, des jeux que j'ai adoré étant gamin, donc je sais plus s'il y avait Kid Icarus sur... Non. Non, c'était on entend à un moment Burai Fighter Deluxe, un truc comme ça, C'est qui? on entend Metal Gear, on entend des Ça, ouais, petits on en même entend. temps, tu vois, je sais plus s'il y avait Final Fantasy dedans. J'ai un peu mélangé tout ça, donc on n'entend plus rien, mais ça, c'est marrant. Il doit y avoir Mario, un truc comme ça. Et on entend, voilà, un jeu que j'avais adoré sur Game Boy, donc Jurassic Park. Pourquoi? J'oserais dire pourquoi. Eh ben, j'oserais dire parce que. Tout simplement, parce que j'avais envie, c'est tout. Bah ouais, bah Voilà. il y a des choses qui s'expliquent pas, hein. Voilà, Ça, ça s'explique pas. tu peux pas justifier Je tout ce que dis, t'as mis. putain, je me suis réveillé un matin, voilà, c'est ça, je me suis dit. Faut que je le mette, voilà. Donc je l'ai mis. Et voilà. Et on arrive à l'épisode 5, qui là, lui, est un épisode aussi un peu particulier. Puisque c'est un peu, donc, comme je disais, si je mets 10 épisodes, on va avoir à peu près la moitié, c'est le 5. C'est là où on commence à avoir des personnages un peu qui sortent de l'ordinaire, où on va au ministère donc de la Japétitude. Que je trouve aussi. Je ne sais pas d'où je l'ai sorti, j'ai pas d'attitude, mais bon. Et on voit Fleur de la Cour, enfin, je sais même plus comment ça, Fleur du Bambou. Voilà. Je n'ai pas inspiré non plus. Au secours. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet épisode? Oui, donc c'était sur Naruto. Alors Naruto, bon, je vais pas faire l'enfoiré, le rabat-joie, mais c'est vrai que j'adorais avant. Et c'est l'un des mangas qui m'a le plus déçu. Parce que, bon après, c'est mon choix. Hein, je trouve ça un peu trop commercial. C'est passé. C'est différent, quoi. Et des personnages qui ressuscitent, et les. Voilà. Ça m'énerve. Donc, j'adore tout ce qui est au départ. Mais après, j'aime beaucoup moins. Donc, forcément, ça se ressent un petit peu dans le manga. Enfin, dans le Hachipawa, j'ai essayé de faire quelque chose, on va dire. Un peu sur le ton de l'humour, donc un deuxième épisode bonus au final, quasiment. Parce qu'il parle, enfin, au final, ouais, pas tout à fait un épisode, c'est un vrai épisode, mais limite bonus, vu qu'ils partent dans des endroits et ils font une quête. C'est vrai qu'au Ça a rien à final, voir. ça, au final, il sert à rien l'épisode parce Il sert que. juste à faire, à montrer les personnages qu'il y aura dans la suite. Donc, parce qu'il y aura Bellatrix, il y aura Lucius, voilà. Mais sinon, il sert à rien, l'intrigue. Et c'est ça. Donc, ce qu'on appelait un filler, donc un hors-série. C'est un mot aussi que j'ai appris sur Internet, ça. Que vous savez maintenant. Et ça représente bien ce que je m'imagine par rapport à Naruto, parce que ceux qui connaissent, ils savent que dans les animés, voilà, ils ont mis la moitié des animés, c'est le manga normal, l'autre moitié, c'est des hors-série. Et ça devient relou, quoi. Ouais, C'est genre ah on va courir dans les plaines et on va aller buter un gars, voilà, allez d'arbre hop, en arbre avec les d'arbre bras en arbre, en voilà, arrière. exactement. Donc ça m'a assez déçu et ça se ressent un peu, mais je suis resté assez soft parce que j'aurais pu enfoncer à mort le manga, mais c'était pas mon intention parce que d'une part, bah voilà, le manga est quand même relativement bon, sinon il n'aurait pas un tel succès. Le mangaka est hyper doué, enfin je veux dire au niveau du dessin c'est hallucinant les gars. Moi je suis pas du tout capable de dessiner, donc moi je trouve ça hallucinant. Après bon, c'est une question de ouais, j'aime pas, c'est tout, ça s'explique Bah ouais, pas. c'est les goûts. Les goûts et les couleurs hein, comme on dit. Et ils vont d'endroit en endroit pour découvrir un petit peu le monde et j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai changé par rapport à Harry Potter. Donc, ils vont dans les écoles de Harry Potter, enfin de John Strong et en De gros et Hogwarts. de Beauxbatons. Mais comment je pourrais dire ça, je l'ai inventé par rapport à comment je pourrais expliquer ça? J'avais fait un forum RPG sur Harry Potter où j'avais inventé ces deux endroits-là, ces deux écoles de magie à l'époque. il y a quelques années, qui avait plutôt bien marché ce forum, et j'avais tout inventé un système donc de façon de gérer l'école, etc., que j'ai un peu repris pour Hachipawa, donc comme ça vous saurez. Et quoi d'autre? Sinon, rien de spécial Bah d'autre ouais. à dire sur cet épisode. Voilà, je pense que de toute façon, là, on va bientôt terminer. Le 3, on n'a rien dit sur le 3, mais Si, on ouais. a parlé un petit peu quand même du En gros, 3 c'est les à cours, l'intérieur. quoi. C'est les... Non, c'est le 4, les cours. Ah oui, 4, c'est non, le les 3, cours c'est... avec Snap, avec etc. Les cours, je me souviens bien marré à Ouais, faire moi les aussi, cours, j'aimais c'était bien. sympa. On n'aura pas énormément de cours. Hein, bah, comme dans... De toute façon, je le dis textuellement, on Mais n'aura pas de cours, pas plus de cours dans ouais. notre truc. Parce que voilà, c'est long, quoi. On ne peut pas faire tout un cours à chaque Toute une fois, saga 15 sur les cours, cours, voilà. là, quand même. Mais on aura un passage plus évolué sur le cosplay un peu plus tard. On aura un passage sur les mechas. On aura un passage, voilà, quoi. Peut-être sur les animés, j'essaierai de refaire peut-être un cours de Snap, mais je verrai, je suis pas encore sûr. Peut-être un autre professeur qui arrive, un deuxième autre professeur qui arrive. Il y aura un petit peu du changement par rapport au livre, puisque bon, j'aimerais bien faire passer pas mal de personnages qu'on connaît de Harry Potter, qu'on n'a pas en général dans les parodies qui existent. Donc je pensais peut-être mettre Lockhart, mais c'est pas sûr. Maugrey, je pense pas que je le mettrais. Pour les fans, je pense pas qu'il y en ait énormément, mais voilà. Fan de Il Maugrey. faut bien couper la poire en deux, je veux dire. Il y a tellement de professeurs. Je veux dire, Bah oui. Ombrage, je vais peut-être pas la mettre non plus. Ou je verrai, mais c'est... On verra bien. Voilà, je vais essayer de faire ça relativement logiquement. Il faut qu'il y ait un Jarte pour qu'il y en ait un qui arrive, en fait. Parce que sinon, ça fait trop de personnages. Donc, pour le prochain épisode, l'épisode 6, on sera sur donc les références de Olivier Tom. Ça va être sympa. Plutôt sympa. Donc, très axé sur le sport. C'est un des trucs que j'avais imaginé depuis le début. Je me suis dit, il faut que je fasse un passage sur le sport. Et il s'est trouvé, donc, vu que j'ai fait par rapport à un manga à chaque fois. Eh ben, ce sera là Olivier Tom, puisque bon, c'est celui qui me paraissait le plus connu, Captain Tsubasa, et avec le plus de délire, parce que bon, je veux dire, il y a pas mal de bêtises quand même, genre, bon, vous connaissez tous le ballon quand il joue du foot, enfin, quand il joue au foot, t'as le ballon qui part, qui s'enflamme, un truc comme ça, bon, Qui devient qui ovale. devient ovale, des tirs du tigre, des tirs de l'aigle, des trucs comme ça, un truc à le terrain qui est ovale, le terrain qui fait 15 km de long, les sauts de 3 mètres. Il y a pas mal, et du coup, c'est pour ça que je voulais remplacer le Quidditch par quelque chose d'autre, donc le Angelic Killer. C'est un peu venu par hasard aussi, ça. Et là, on aura vraiment un épisode basé là-dessus. Voilà, Ça va être sympa. bah ouais. Plutôt On sympa, verra donc bien. voilà. Bon, bah, Bon, je dans pense, l'ensemble, jusque-là, t'es content de je passer suis là. plutôt content. Il y a même quelqu'un qui m'a fait très plaisir sur internet qui m'a dit oui, Hachipawa, c'était la première saga que j'ai écoutée. Ce qui m'a fait très plaisir parce que c'est quand même pas La vie donné à tout tombée le monde, par du coup. hasard. Je sais pas si elle est tombée par hasard, si c'était une fille ou un mec, je sais plus, mais. C'est quand même pas banal de tomber là-dessus en premier, quoi. C'était du En bol. général, Je voilà, soit c'est du bol, soit c'est, je veux sais pas pas. perdre tes Non, mais illusions. c'est vrai que, voilà, quoi, ça paraît logique que t'as envie de commencer par, je sais pas, Banal Fantasy, ou Bah t'as oui, envie de les trucs commencer connus quoi, par le donjon de Donjon de Nalbeuk. Hellebeck, par Addo Priest aussi, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Moi, le truc que j'aimerais en fait, c'est ça, avoir les échos des autres par rapport à ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'ils trouvent de Ouais, bien, c'est vrai pas bien. que quand Parce que on du envoie, moi quand j'envoie les épisodes, j'ai pas énormément de retours, ce qui m'embête un peu, parce Tu veux dire que sur Internet? sur Internet, ouais. J'ai pas énormément de retours sur Internet. C'est dommage parce que j'aimerais bien m'améliorer et je sais pas Ouais, c'est comment ça faire. quoi. On peut pas savoir les bons, les mauvais Alors après, côtés je des sais que sur la trucs. technique, je suis pas bon, ça c'est... Mais peut-être que bon, il y a un acteur, genre moi qu'il faut qu'il joue mieux ou j'en sais rien. Ouais, ça, le jeu Les d'acteur, le sons, au jeu départ d'acteur. on m'en parlait, les sons qui étaient un petit peu trop Voilà. répétitifs ou j'en sais Jeu rien. d'acteur, son, scénario. Parlant de son, j'ai toute une base de données en fait que j'utilise parce que on connaît, enfin ceux qui font des sagas MP3 connaissent. Quand vous tapez son SON sur Google, vous tapez sur le premier, vous tombez sur un truc avec que des sons, et au final, voilà, tout le monde a le même son. Donc moi, j'ai trouvé une base de données de milliers de sons, ce qui me permet, bon, c'est un petit peu difficile à s'y retrouver, mais ça me permet d'avoir des choses assez sympas, un petit peu différentes, voilà. Voilà. Ok. Et donc, n'oubliez pas, enfin, n'oubliez pas, il y a une bande-annonce que je viens de faire. Qui est bien Qui est sympa sympa, qui est d'ailleurs, mine sympa, de que je me rien. suis amusé. Une bande-annonce vidéo, donc avec les personnages d'Harry Potter dans les films, que j'ai foutu avec les voix de Hachipawa, que vous pouvez balancer à des proches. Voilà. N'hésitez Faites de pas, la pub. voilà, faites de la pub. Moi, j'en fais pas beaucoup personnellement, Moi non mais plus, j'ai pas internet, gars. voilà, toi, t'as pas internet. Mais parce que bon, voilà, j'en ai pas spécialement envie. Je me suis tellement fait chier à l'époque quand je faisais mon forum RPG, dont je parlais tout à l'heure. C'est dur de faire la pub, et puis là, je me suis dit, si les Ouais, après, gens ça sert écoutent à et que rien, faut j'écoute, laisser faire le si les truc, gens quoi. n'écoutent pas, ben, ils vont Bah se faire oui. voir. Non, mais voilà, Non, mais je c'est rigole. tant pis pour eux, quoi. C'est dommage. Voilà. Bon, ben, merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'est un plaisir. Donc, moi, je suis Lucas. Je suis Magic Kira, voilà. Et. Voilà, et Yontai Guillaume. Et on dit, voilà, pour ceux qui n'aiment pas. On le dit à la fin, comme ça. Voilà, allez, ciao! Ciao.